إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المسلمون والمسلمات لا شك أن المؤمن بشر يصيبه ما يصيب غيره من البشر أو مسلمان et musulmane il n'y a nul doute sur le fait que le croyant est un être humain il va être touché par ce qui va toucher les autres êtres humains فَقَدْ يَضْعُفُ فِي إِيمَانِهِ Il se peut que sa foi baisse. لِذَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَسْعَى فِي أَسْبَابِ زِيَادَةِ الْإِيمَانِ Et c'est pour cela qu'il est important que le musulman, que le croyant s'efforce d'accomplir les causes qui augmentent la foi. وَمِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ يَا عِبَادَ اللَّهِ التأمل في سير السلف الصالح et il y a parmi ces causes qui font augmenter la foi au serviteur d'Allah le fait de méditer quant à la biographie la vie des pieux prédécesseurs فينظر المسلم في جهود القوم ويسمع في اتباعهم Et donc le musulman va regarder les efforts que ces gens ont fait, les pieux prédécesseurs. Il va espérer les rejoindre et les suivre. Liza, senabda'u ayyuha al-ikhwa wal-akhawat, al-kalami fi ha'oula innas. Et donc nous allons commencer, aux chers frères et sœurs, à parler de ces gens-là, les pieux prédécesseurs, afin de méditer sur leur vie. وأردت البداءة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم et j'ai certes voulu commencer par les épouses du prophète صلى الله عليه وسلم les meilleures des femmes celles dont Allah تبارك وتعالى dit elle يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن Ô épouse du prophète, vous n'êtes semblable à aucune des femmes, à aucune des autres femmes, si vous craignez. Si vous craignez Allah tabaraka wa ta'ala, aucune autre femme n'arrive à votre rang. Les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleures femmes. Voyons voir comment elles étaient ces femmes qui craignaient Allah tabaraka wa ta'ala. Et d'ailleurs, tout de suite après, Allah tabaraka wa ta'ala dit aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. Et donc lorsque vous vous adressez, quand il y a une nécessité, un besoin pour parler aux hommes, alors ne parlez pas en faisant preuve de complaisance. Sans quoi celui qui a une maladie dans son cœur va vous convoiter. Et donc il fait partie des caractéristiques de ces femmes pieuses qu'elles ne faisaient pas preuve de complaisance lorsqu'elles s'adressaient à un homme étranger. Et donc elles préservaient l'honneur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça qu'elle doit être épouse, elle préserve l'honneur de son mari. وَلِنَبْدَأَ أَيُّهَا الْإِخْوَ وَالْأَخَوَاتِ بِلَطَائِفِ ومواقف لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها سيدة من سيدات أهل الجنة. Et donc commençons, aux chers frères et sœurs, par Khadija, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija bint Khuwaylid. Cette femme qui a été mise en avant, qui a été citée parmi les meilleures des femmes, Maryam, Ummu Isa, Asiya, Zawjatu Firaoun, l'épouse de Firaoun, Fatima bint Muhammad, la fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Khadija bint Khuwaylid, les meilleures des femmes. أيها المسلمون والمسلمات هذه المرأة التي نتحدث عنها أول من آمن على الإطلاق برسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلمان. Cette femme dont nous parlons, Khadija bint Khuwaylid, est la première à avoir eu la foi au prophète صلى الله عليه وسلم. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت أربعين. Méditez, chers frères, méditez. Le prophète صلى الله عليه وسلم l'a épousée alors qu'elle avait 40 ans. Je répète, méditez, chers frères, méditez. Parce que certains pensent que lorsque la femme elle a dépassé 30 ans, il n'y a plus de bien. Voilà. Méditez, une des meilleures des femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée alors qu'elle avait 40 ans. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما أثنى على خديجة. الإمام أحمد رحمه الله يسيد في مسند كعائشة رضي الله عنها rapporte qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges de Khadija. Et d'ailleurs, Aïcha qui nous dit dans un autre hadith, je n'ai été jalouse d'aucune femme comme j'ai été jalouse pour Khadija. Tellement le prophète faisait ses éloges sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anha. Et donc, Aïcha radiyallahu anha qui est une femme, fut touchée par la jalousie. Lorsqu'elle a entendu le prophète faire les éloges de Khadija, elle a été jalouse. قالت عائشة رضي الله عنها عوضك الله من كبيرة السن. Elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah t'a remplacé une femme qui était âgée. Et t'a remplacé par une autre, il t'a remplacé par une jeune. Aïcha radhiyallahu anha qui nous raconte cette histoire, nous dit, lorsque j'ai prononcé cette parole, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'énerver. Lorsque j'ai vu sa colère, je me suis dit, si Allah tabaraka wa ta'ala enlève la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne répète plus jamais ça. Elle dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ce que je ressentais, il a vu qu'elle avait peur. Il lui a dit, Kayfa qulti? Comment as-tu dit cela? Comment as-tu dit cela? Fa wallahi nasaratni saddaqatni iz kazzabani an-nas wa awatni iz rafadani an-nas. Comment peux-tu dire cela? Par Allah. Elle m'a cru. Elle a cru en mon message. Lorsque les gens m'ont traité de mensonge. Lorsque les gens ont refusé de me croire, elle a cru. Elle m'a secouru. Elle m'a soutenu. Lorsque les gens m'ont rejeté. أيها الناس هذه المرأة من قوة إيمانها نصرت الحق في زمان كان المسلمون قلة كان الإسلام غريبا. Ô musulmans, cette femme a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a soutenu la sunna, elle a soutenu la vérité à une époque où les musulmans étaient peu nombreux, à une époque où les musulmans se faisaient martyriser, à une époque où l'islam était étranger. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bada al-islam ghariban, l'islam a commencé étant étranger. Et donc cette femme, par sa force de foi, elle a soutenu la sunna. Qui d'entre nous secourt la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Rappelez-vous la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Illa tansuru faqad nasarahu Allah. Si vous ne le secourez pas, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, si vous ne le secourez pas, c'est-à-dire si vous ne secourez pas le prophète, certes, Allah l'a secouru. Allah n'a pas besoin de nous. Mais chacun d'entre nous doit secourir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui, dans son foyer, dans son travail, dans la rue. Tu ne laisses pas les gens, tu ne laisses pas qui que ce soit rabaisser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ton patron d'entreprise te demande de retirer ton voile, tu secours la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'était Khadija radiallahu anha. Et donc il est important d'être fort, ô chers frères et sœurs. Rappelons-nous comment étaient forts ces gens-là, comment ils ont secouru la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors Allah les a élevés. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwa al-ghafur. Alhamdulillah wahda. Wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. أيها المسلمون كما قلنا في الخطبة الأولى المؤمن من البشر يصيبه ما يصيب غيره من البشر. Au musulman, comme nous avons dit dans le premier sermon, le croyant est un être humain. Il va être touché par ce qui touche les autres êtres humains. Parfois un peu de faiblesse, parfois un peu de perte de patience. Lorsqu'il voit la difficulté, il peut faiblir. La pression. Lorsque les gens veulent te mettre la pression par rapport à ta religion, mais le croyant a une force. Il croit en l'invisible. Et il a des prédécesseurs. Des gens qui sont pour lui des exemples. Qu'il doit suivre. Des gens qui ont subi une pression plus forte que la pression qu'il subit aujourd'hui. Comment étaient ces gens? أيها المسلمون من فضائل خديجة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو في غار حراء ذوات الليالي. Parmi les mérites de Khadija رضي الله عنها, le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم s'isolait dans la grotte de Hira. Il s'adonnait à l'adoration pendant plusieurs nuits. Il restait là-bas dans cette grotte pendant plusieurs nuits, il s'adonnait à l'adoration. Thumma la ya'udu ila Khadija, la ya'udu ilayha illa li yastazida li mithlihi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne retourna chez Khadija que pour se préparer à repartir encore. Elle ne se plaignait pas. Elle ne se plaignait pas. Aujourd'hui, il se peut que tu aies un retard de 30 minutes, tu reçois un message sur ton téléphone, tu es où? Si ton retard a dépassé les 1 heure, ce n'est plus un message, c'est un appel, tu reviens quand? Si tu dis cette année pendant Ramadan, je vais faire sunnatul i'tikaf, mais je vais faire comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adonnait à l'adoration. Et son épouse patientait, Khadija radiallahu anha. Elle patientait dans l'absence de son époux, qui ne perdait pas son temps. Elle sait qu'il ne perd pas son temps, et donc elle le laisse faire du bien. Elle n'était pas comme ces femmes qui veulent que leurs époux restent tout le temps collés à elles. Méditons, chers frères et sœurs, comment étaient ces vieux prédécesseurs? Al-Bukhari radiallahu anhu, il nous rapporte d'après Aïcha radiallahu anhu les débuts de la révélation. Lorsque Jibril est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il lui a dit Ikra, récite. Mais Anabi Kari, je ne sais pas réciter, je ne sais pas lire. Ikra, il a serré son cou, récite, je ne sais pas lire. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ikra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min alaq, ikra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné chez lui effrayé. Zammilouni, zammilouni, recouvrez-moi, recouvrez-moi. Khashitu ala nafsi, j'ai eu peur concernant ma propre personne. Khadija ne lui a pas dit, ah mais c'est, ben, tu t'absentes tant de nuits, hein, tu me laisses toute seule toutes ces nuits, et maintenant tu as peur, mais retourne voir celui qui t'a fait peur. Non. Elle n'a pas réagi comme ça. Kalla ma yukhzik Allahu abadan. Elle lui a dit jamais, non. Allah ne va jamais t'avilir. Ne va jamais t'humilier. Innaka tasilul rahim. Certes, tu respectes les liens de parenté. Wa tuksibul ma'doum. Tu donnes à celui qui n'en a pas. Wa tukrid daif. Tu honores l'invité. Wa tu'inu ala nawa'ibil haqqi. Et certes, tu aides dans l'accomplissement du bien et de la vérité. Elle l'a soutenu à ce moment difficile. Fantalaqat bihi ila Waraqat ibn Nawfal. Alors elle est partie avec lui pour rencontrer Waraqat ibn Nawfal, qui a expliqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam que cet ange qui est venu le voir est le même qui était venu voir Moussa alayhi salam. Et donc cette femme, Khadija radiallahu anha, elle a secouru la sunna à un moment difficile, le tout début de la révélation, où même le prophète sallallahu alayhi wa sallam était effrayé de ce qui lui est arrivé. Où sommes-nous, musulmans et musulmanes, de cette sunna qui est balayée nuit et jour devant nous? Des gens qui se moquent de la sunna et qui caractérise la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant de l'extrémisme. Où sommes-nous de cette sunna? Quand allons-nous la défendre et montrer la vérité? Transmettre un message qui montre l'importance de la sunna. Oh chers frères, nous devons défendre la religion d'Allah. Il y a beaucoup d'ambiguïtés qui sont propagées dans les rangs des musulmans. Ne restons pas là à regarder, à rien faire. Un message que tu transmets, une vérité que tu transmets, participe au bien. Kun lebinaten. Sois une brique dans la bâtisse de la sunna et ne sois pas là à regarder. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا أن يوفقنا في نصرة السنة. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous aider, de nous secourir dans le fait de mettre en avant la sunna. Il est capable de toutes choses. Akul subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa aqimu s-salat.